dimanche 10 juillet. Info bruxelles.be. Avec la Libre. La première. Il est 11h. Anine Ameus avec vous, bonjour. Comment, à l'avenir, éviter des attentats comme ceux qui ont frappé la France en novembre et en janvier 2015? Une commission d'enquête parlementaire s'est penchée sur la question et elle a présenté ce matin son rapport devant l'Assemblée nationale en France. Ce rapport dit ceci, l'attaque du Bataclan n'aurait pas pu être évitée, mais il y a des choses à faire pour améliorer la lutte antiterroriste. Cette commission d'enquête propose d'ailleurs 39 mesures pour éviter que de telles attaques se reproduisent. Elle préconise notamment une réorganisation des services de renseignement français avec une agence nationale de lutte contre le terrorisme qui serait placée sous l'autorité du Premier ministre. Le rapporteur de la commission estime enfin que l'état d'urgence décrété dans la foulée des attentats et le déploiement de nombreux militaires a eu, lui, une utilité limitée. Une alerte à la bombe a été signalée ce matin sur un avion civil israélien qui survole la Suisse. L'information émane de Skyguide, la société qui surveille l'espace aérien suisse. Il s'agissait d'un vol entre New York et Tel Aviv. Deux avions de chasse suisses ont intercepté cet appareil de la compagnie israélienne El Al. Toujours selon le porte-parole de Skyguide. En Grande-Bretagne, les députés conservateurs ont commencé aujourd'hui à voter pour désigner leur nouveau leader, un leader qui sera aussi le nouveau Premier ministre britannique et donc celui ou celle qui devra négocier le divorce avec l'Union européenne. Cinq candidats sont en lice, dont la ministre de l'Intérieur, Theresa May. C'est la grande favorite. Les 300 députés Tories vont éliminer progressivement les candidats. Deux autres tours sont prévus jeudi et mardi prochain. Les deux finalistes seront désignés cet été par les 150 militants du parti. L'élu ou l'élu sera officiellement désigné le 9 septembre. Enfin, il va falloir pédaler longtemps aujourd'hui sur la route du Tour de France. C'est tout simplement la plus longue étape de l'épreuve. 237 km vont entraîner des coureurs de Saumur à Limoges. Peter Sagan porte toujours le maillot jaune au départ de cette quatrième étape. Toute l'info est sur rtbf.be. Et on rejoint tout de suite Benjamin Lepart. C'est l'heure de Globe Crocker. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encastrables. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. La première, 11h midi, Globe Crocker avec Benjamin Leupart. Le fumier n'est pas sacré, mais il fait bien des miracles. Proverbe péruvien. Bel été, joyeux mardi, c'est Globe Crocker et c'est un plaisir de repartir ensemble en voyage chaque jour en compagnie de voyageurs qui changent de vie en chemin. Et ils et elles ont changé de vie au cours de leur périple. Sur la table de Globe Crocker, ils déposent les objets qui ont jalonné leur parcours. On les fera parler, ces souvenirs de voyage. On se mettra dans les oreilles la musique d'avant, le départ, et puis les musiques rencontrées en chemin. Et puis aussi, on fera place aux habitants des heures d'aéroport. Vous savez, les lectures et les écritures de voyage. Les changements de vie en voyage, c'est la marque de fabrique de Globe Crocker. Et quand l'histoire est trop belle, et quand le voyage est trop long et trop beau, pour ne s'y plonger qu'une fois, eh bien on se paiera le luxe d'y plonger deux fois. Et c'est le cas aujourd'hui. Le récit que l'on vous raconte a une suite et ce sera mardi prochain dans Globe Crocker. Pour l'heure, c'est l'histoire d'un artiste qui a décidé de partir tellement lentement au bout du monde qu'en partant, il ne connaissait pas la langue, alors qu'en arrivant, eh bien oui. Si un jour on vous dit que changer de vie, c'est pas le Pérou, pour lui, si. Jusqu'à midi sur la première, Globe Crocker. Cap sur le Pérou. Pays situé dans l'ouest de l'Amérique du Sud. Le pays est entouré par l'Équateur, la Colombie, le Brésil, la Bolivie, le Chili et l'océan Pacifique. Lima, et sa capitale, est la plus grande ville du pays. Le Pérou, c'est notre idée de bout du monde, d'Eldorado. L'image de vallée sacrée imprégnée de culture inca, vous êtes dans le pays des Fils du Soleil. Les Incas, c'est l'essence de l'histoire du pays. Ils ont fondé, vers 1200, Cusco, le nombril du monde, ancienne capitale de l'Empire Inca, et créé le Temple du Soleil. Le Pérou possède de véritables trésors touristiques. Découvrir au petit matin les ruines du Machu Picchu, ses cultures en terrasse vert émeraude et ses vertigineux sommets, c'est un spectacle d'une beauté époustouflante. Se retrouver tout près des îles du lac Titicaca, à près de 3800 mètres d'altitude. Ou encore, allez visiter les fascinantes lignes tracées dans le désert de Nazca, ces immenses géoglyphes du sud du Pérou. Leur mystère attire les étrangers depuis les années 40 et personne jusqu'à nos jours n'a pu les déchiffrer. Le Pérou, c'est aussi la cordillère des Andes, la plus longue chaîne de montagnes du monde, longue d'environ 7100 km. Vous l'avez compris, le Pérou est probablement un des lieux touristiques d'Amérique du Sud qui possède le plus de trésors. Il y a beaucoup à dire, alors ne perdons pas de temps, partons pour le découvrir. Bonjour Rudy Godin. Bonjour. Ça va bien ? Oui, très bien. Artiste, comédien, multi-musicien, amateur de café, soyez le bienvenu dans Globe Rocker. Eh bien, merci. Alors, on peut dire que vous avez su réagir, vous. Un jour, plutôt que de vous dire merci, on vous remercie, donc plus de boulot. Vous le prenez en pleine face, hein, cette annonce, et vous allez, sans le savoir, prendre la meilleure décision de votre vie, en tout cas celle qui va changer votre vie. Vous décidez de partir le plus lentement possible, vous ressourcer au Pérou. C'est exactement ça. On est en 2007. Oui. Et vous partez pour le Pérou, pourquoi ? Eh bien, parce que le Pérou m'intriguait. Moi, j'étais complètement subjugué par tout ce qui s'était passé à la période des Incas. Justement, on en a parlé là tout à l'heure. Et puis, c'était l'Amérique du Sud et j'avais jamais été. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Allez, on y va. Et j'avais lu aussi ce roman, là, C'est pas le Pérou, justement. C'est de qui ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Non, c'est pas grave. En tout cas, vous y allez pour vous ressourcer, initialement. Oui, c'est ça. Vous allez mettre le doigt dans un énorme engrenage appelé Pérou, et vous allez rester très très longtemps au Pérou, votre vie va changer. C'est pour ça qu'on va raconter votre voyage en deux fois dans Globe Rocker, parce que c'est une très très longue et très très belle histoire. Là, on s'approche du Pérou, mais on n'y est pas encore, parce que quand on dit que vous partez lentement vers le Pérou, vous prenez l'un des moyens de transport les plus lents possibles, c'est-à-dire le bateau. Et vous mettez combien de jours pour arriver à traverser cet océan Atlantique ? En tout, je mets 14 jours, 2 jours à l'arrêt, à Anvers, et puis après je mets 12 jours de traverser l'Atlantique. Et ça vous convient ? C'est une espèce de lente mise en condition ? Ouais, c'est très bien. Je passe les fuseaux horaires les uns après les autres. Je rencontre pas beaucoup de poissons, mais j'ai vécu une expérience formidable au milieu de marins et de capitaines, des gens que je n'avais jamais côtoyés auparavant, donc c'était vraiment une expérience formidable. Alors ce voyage très très lent vous permet également de vous projeter. Alors on a une habitude, nous, dans Globe Crocker, c'est de se mettre dans les oreilles la musique que vous écoutiez avant de partir pour le Pérou. On va le décrire, hein, le Pérou, mais comme c'est assez original de partir le plus lentement possible, d'habitude on fonce à destination pour y être vite. Vous, c'est le contraire, vous y allez super lentement, en bateau, en bus, en avion, puis re-en bateau. C'est d'une lenteur déconcertante. Avant de partir, quand vous pliez vos 25 kilos de bagages, vous écoutiez ceci. Ça s'appelle Afro, c'est sur une compilation qui s'appelle Nova Lima. Qu'est-ce que c'est ? Vous connaissiez ça d'ici ? Oui, en fait, je connaissais parce que je fréquentais à Liège un endroit qui s'appelle la Casa Nicaragua. Il y a des musiques latines dans cet endroit, et donc il y avait ce groupe Nova Lima. Mais je ne savais même pas que c'était vraiment de Lima et du Pérou. Je savais que c'était sud-américain, quoi, mais voilà. C'était un rendez-vous comme ça un peu au hasard. Oui, complètement. Vous l'avez déposé, hein, cette compilation, sur la table de Globe Crocker. Oui. C'est un CD qui reprend plusieurs musiques sud-américaines, on peut dire ça ? Oui, c'est ça. Le groupe, c'est un groupe afro-péruvien, donc il y a des blacks uniquement, et ils jouent du cajon, donc cette boîte qui sonne, qui était à l'origine, à l'époque des esclaves, une caisse à fruits. Et donc, voilà, ça c'est la base, et puis la guitare, et puis comme c'est un petit peu modernisé, il y a aussi du synthé et des choses plus modernes. Ça sonne Pérou, hein ? Et ça sonne Pérou. Ouais. Ah, vous écoutiez ça dans le bateau aussi Oui, j'écoutais ça, j'écoutais d'autres choses aussi, mais ça me faisait plus voyager. Mmh. C'est très lent, ce voyage, et alors c'est pas forcément confortable, puisque vous partez en décembre 2007. Oui. Il y a des grands creux, faut tuer le temps. On va quand même se mettre aussi dans les oreilles la musique que vous allez entendre une fois à destination, mais on reprendra le fil de l'eau pour parler de votre départ au Pérou. Une fois sur place, vous écoutez plutôt ceci. Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores contigo, Perú. Zambo Cavero Contigo Perú. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Contigo Perú, ça veut dire avec toi, Pérou. C'est comme si je disais avec toi, Belgique. Et je créais une chanson avec toi, Belgique. D'accord. Et ça, c'est, vous l'avez découvert dans quelle ville? Et à Lima aussi. C'est aussi un afro-péruvien. Et voilà, c'est grâce à une personne que j'ai rencontrée là-bas. Vous descendez du bateau, on n'est pas encore à Lima, on va y arriver. Vous arrivez d'abord à Santo Domingo dans les dom-toms et on vous dit attention, coupe-gorge, on prend soin de vous et on vous jette dans un taxi. Ça vous met tout de suite dans l'ambiance quand vous descendez du bateau. Oui, c'était assez... je ne connaissais pas du tout la personne et elle me dit, il faut que je vous amène au centre parce que sinon vous allez vous faire attaquer et peut-être ne pas rentrer en Belgique. Donc je lui ai fait confiance. Vaut mieux. Rudy Godin, vous êtes probablement l'un des voyageurs les plus lents de notre été dans Globe Crocker. On vous remercie de raconter votre voyage au Pérou. On va le faire en musique avec la bachata dans quelques instants. Mais si on se mettait dans les oreilles maintenant un bon On You de Casey Lambist. On you, my feelings have been hurt. On you, don't you see the clouds coming down? On you, my feelings have been hurt. On you, don't you see the clouds coming down? Casey Lambist on You, c'était en 2016 dans l'album The Coast. Nous, on est parti pour le Pérou avec Rudy Gotin ce matin sur la première. Eh ben, on y est, on y reste. Globe Rocker sur la première. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Pendant les soldes, nous vous livrons le gros électroménager et reprenons votre ancien appareil, le tout gratuitement. Conditions sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Fenêtre sur Doc. L'amour du risque, de l'aventure. Des documentaires inédits pour sortir des sentiers battus. Se priver un peu, crever un peu pour mieux vivre après. Fenêtre sur Doc, chaque jeudi de l'été sur la 3. La première présente Photorealism, 50 Years of Hyper-Realistic Painting. Pour la première fois en Belgique, le musée d'Ixelles propose une expo révélant 50 ans de peinture hyper-réaliste. Dans le sillage du pop art, trois générations d'artistes américains et européens sèment le trouble. Réalité ou fiction, peinture ou photographie. Photorealism au musée d'Ixelles jusqu'au 25 septembre. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. La chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876. Jusqu'à midi sur la première. Globe Crocker. Rudy Gotin, vous êtes parti en 2007 pour un voyage ressourcement au Pérou. Vous y êtes allé lentement. Vous avez pris le bateau à Anvers, direction le sud. Vous avez traversé l'Atlantique. Et puis, à un moment donné, vous dites « je vais reprendre un autre bateau ce coup-ci et je vais parcourir un petit bout du plus grand fleuve du monde ». Oui, c'est impressionnant. C'est un fleuve magnifique, tout brun, très très foncé, comme ça, très sombre. Et dans ce fleuve, eh bien, j'ai rencontré des dauphins roses. Nous sommes sur l'Amazone avec vous, dans un bateau très très très local. on remonte l'Amazone parce que votre objectif, c'est le Pérou. Pour l'instant, vous êtes encore au Brésil. Oui. On va tout doucement y aller. Ça fait partie de votre temps d'apprentissage de l'espagnol aussi, ça? Oui, complètement, oui. Enfin, sauf que tout un temps, là, j'ai quand même parlé plutôt le brésilien. Mais comme je ne connaissais pas mieux le brésilien avec l'espagnol, je faisais un mélange des deux. Et voilà, je rencontrais beaucoup de gens qui, de toute façon, parlaient très bien l'espagnol aussi. Dans cette eau brune de l'Amazone, vous voyez donc des dauphins roses. Oui, c'est incroyable. On ne m'avait pas prévenu, donc c'est pas comme quand on fait une attraction touristique. Attention, il va y avoir des dauphins roses. Non, je ne savais pas du tout, donc ils m'ont surpris et vraiment c'était beau. Et ces arbres aussi de 35 mètres de haut, c'est incroyable. Quoi. Enfin, on traverse vraiment une partie du monde... époustouflante. C'était un moment fugace, cette rencontre avec les dauphins sur l'Amazone, ou bien ça a pris un certain temps, ils n'ont pas été effarouchés par le bateau, par exemple? Ah non, mais non, pas du tout. Justement, non, on a fait ça pendant, je pense que ça a duré 2-3 heures. D'accord. On remonte l'Amazone pendant 10 jours, ça donne déjà une idée de la taille du fleuve. Dans un bateau local, on le disait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fauteuil. Décrivez-nous aussi l'intérieur de ce bateau. Ah oui, ben, en fait il n'y a que des hamacs. Donc tous les hamacs sont juxtaposés les uns contre les autres. Donc eh bien, on ne peut pas s'asseoir et on ne peut pas rester debout. On est obligé de se mettre couché dans le hamac d'une certaine position, parce que vous savez qu'un hamac c'est quand même pas si facile que ça. Et alors surtout la nuit, ben, dès qu'il y en a un qui bouge, les autres bougent aussi. Donc, c'est assez incroyable. Et dans ces hamacs, il y a d'opulentes brésiliennes qui ont un rythme bien particulier. Exactement, elles se lèvent vers 6h30, 7h du matin. Elles regardent en fait leur émission préférée. Enfin, c'est un feuilleton un peu sitcom, comme ça, brésilien. Le fameux sitcom brésilien. Hein. Exactement. Celui qu'on connaît en Deliping Total sur certaines chaînes, oui. Quand elles sont traduites en français. Et donc, 7h du matin, sitcom à Donf. Exactement, les deux télés à Donf et elle en fait en train de se limer les ongles, se maquiller et se laver les dents. Alors on se demande un peu où est-ce qu'elles vont, parce qu'on reste quand même 10 jours sur le bateau. On est tous pas très frais, on va dire. Et donc, et à un moment donné, ben, une heure plus tard, à peu près, une heure et demie, elles se rendorment. Formidable, elles sont pimpantes, elles sont prêtes, elles ont vu leur sitcom et elles se rendorment. La nourriture à bord, c'est moyen. Oui, quand même. C'était pas le 3 étoiles. Mais voilà, ça fait partie du voyage. Je croyais, sur un fleuve comme l'Amazone, manger des fameux poissons. Mmh. Et en fait, que nenni. Je n'ai mangé que de la viande en sauce, avec du riz ou des pâtes trop cuites. Et il restait quand même une assiette de crudités sur lesquelles on se jetait tous. Donc il fallait être les premiers. C'est ça, donc on se battait pour les crudités. Il faut vous dire aussi qu'à destination, parce que vous allez arriver à Iquitos au Pérou, on a une gastronomie qui est extrêmement riche. Là, pour le coup, sur le bateau, c'est pas la disette, mais c'est toujours la même chose. Et donc, vous avez la très très bonne idée, à un moment donné, d'aller faire vos courses, parce qu'il y a des escales, évidemment, en 10 jours de croisière sur l'Amazone. Le bateau accoste et vous partez à la recherche désespérée de quoi ? D'une boîte de thon et de quelques tomates. C'est quand même dingue quand on est sur l'Amazone et qu'on cherche une boîte de thon. Et donc, vous partez au marché. Et oui, en fait, on commence à chercher. J'étais avec une amie que j'avais rencontrée sur le bateau, une Française. Et donc, on traverse, on voit deux, trois épiceries fermées. Et puis, pour finir, on arrive au-dessus, à l'église. Et là, on voit un petit magasin, on achète. Et c'est à ce moment-là qu'on entend le... Vous le faites bien. Et là, on se dit, oulala, on est monté en 25 minutes. Il va falloir redescendre en 3 minutes. Donc on a vous avez failli assister au départ de votre propre bateau, oui. Avec votre boîte de thon et vos 4 tomates, c'est quand même dommage. Exactement, sans savoir s'il y avait un autre bateau plus tard. On s'approche du Pérou, c'est quoi vos impressions ? Vous êtes apparemment pas très pressé d'y aller, motivé pour y aller, mais en tout cas vous avez votre temps. C'est quoi vos impressions à mesure que Iquitos, la première ville péruvienne là, de votre périple, s'approche ? Mes impressions, c'est que je me sens de plus en plus à l'aise, comme un poisson dans l'eau, on va dire, comme un dauphin rose qui suit un bateau. Non, franchement, c'était tellement tranquille que je me demandais un peu si je n'avais pas vécu là une autre vie auparavant. À ce point-là, oui. Ça part bien le ressourcement déjà là. Ah, c'était magnifique. Le bateau fait donc 10 jours de croisière sur l'Amazone. Vous finissez quand même par arriver au Pérou, à Iquitos, qui est une ville bizarre. C'est une ville très bizarre. Oui. Bah oui, c'est une bizarre ville. Bah, c'est-à-dire qu'elle est entourée d'eau. Mmh. On ne peut pas y accéder par la route, déjà. On peut venir en avion, mais bon, il n'y a pas grand-chose comme avion. Et puis, c'est une ville où il y a pas mal de justement d'aventuriers, comme ça, de gens qui se retrouvent là-bas un peu perdus. Avec des boîtes de thon. Et avec des boîtes de thon. Et alors, pas dégoûté par les 10 jours de croisière sur l'Amazone, ni par la traversée en 12 jours de l'Atlantique, vous voulez quitter Iquitos en bateau, et là, pas de bol, il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas assez d'eau. En tout cas, au début, il y en avait, mais à la fin, vers Lima, ça devenait compliqué. Alors, on m'a prévenu en me disant, ça va prendre 20 jours. Alors, j'aime bien le voyage lent, mais quand même, j'avais quand même un rendez-vous avec un ami. Et donc j'ai pris un avion. C'est donc en avion que vous allez arriver à Lima dans quelques instants dans Globe Crocker. Lima, c'est votre ailleurs, l'ailleurs de Jean-Louis Laubert, n'est pas mal non plus. Plus loin, un peu plus loin, au-delà des mers, un peu plus loin, mon cœur. Ce monde derrière le monde, peut-être existe-t-il, immobile. Il y a un monde ailleurs. Derrière le monde, peut-être existe. paraît-il, tout se faire immobile. Je connais les diagonales qui transpercent les cœurs. Ailleurs, ailleurs, un monde ailleurs, Jean-Louis Aubert, c'était en 2006 sur l'album Idéal Standard. La première, 11h midi. Globe Crocker. Avec Benjamin Leupart. C'est le Pérou ce matin sur la première dans Globe Crocker avec Rudy Godin qui nous emmène lentement dans son ailleurs à lui. Nous sommes enfin arrivés à Lima et c'est en avion, après plein de bateaux, des bus et des choses comme ça. C'est finalement en avion que vous débarquez au Pérou. À Lima, quelles sont vos premières impressions, vos premières images? Tout de suite, c'est quoi? On est en décembre 2007. Eh bien, la ville de Lima, c'est quand même 11 millions d'habitants. Et c'est une métropole, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitations, beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de poussière. Et on est sur la côte. Ça change de l'Amazone, hein, ça change aussi de la proximité du bateau et des choses comme ça. Là, ouais. On est dans une mégapole. Exactement. Oui, oui, ça bouleverse. Mais finalement, comme je viens en avion, je ressens un peu ce que ressentent finalement les gens qui viennent en avion. Mais c'est quand même bouleversant. C'est-à-dire que vous avez un rhume parce qu'il y a l'air conditionné, des choses comme ça ou pas? Oui, forcément, il y a des chocs comme ça. Et puis là, les gens aussi sont pressés, les gens ne sont pas aussi attentifs à vous, ils ne vous regardent pas comme une bête curieuse. Voilà, c'est tout à fait normal de voir des gens qui ne sont pas comme eux. Mais vous êtes un homme qui a déjà changé depuis son départ de Belgique et d'Anvers, puisque ce voyage a été d'une extrême lenteur, et vous arrivez au Pérou différent de quand vous étiez en Belgique. Par exemple, vous parlez la langue. Oui, j'ai une barbe comme Cortés, quand il arrive justement sur le Nouveau Monde. J'ai des longs cheveux, enfin j'ai tout laissé pousser. Et comme il fait très chaud et très humide, évidemment, ça pousse très vite. Vous arrivez un peu en druide, oui, à Lima, c'est ça. Dans cette mégapole. Et qu'est-ce qu'elle vous a apporté d'autre, cette lenteur, pour vous rendre au Pérou? Ben, le fait que je me suis intégré petit à petit, quoi. Donc j'ai commencé à connaître les habitudes des gens et à voir un peu comment ils... Justement, ils sont très lents aussi. Donc j'ai vécu à leur rythme. Et ça, c'est un plaisir. Mais ça vous a permis aussi d'accéder directement à plus d'authenticité. Vous disiez, tiens, par exemple, j'ai mangé du piranha grillé parce que je savais comment le demander, je savais comment m'adresser aux gens. Oui. C'est ça qu'apporte la lenteur aussi dans le voyage. Exactement, oui, si on prend son temps et donc on vit des moments exceptionnels, on vit des choses qu'il ne faut surtout pas passer à côté. Enfin, moi, je voyais un carrefour, je ne me posais pas la question... je vais aller au plus vite et faire le plus de choses possible. Je me laissais aller au gré du vent et au gré des rencontres. C'est toujours une très très bonne idée de se perdre, hein, surtout en voyage. Ah oui, complètement, il faut se perdre. Alors on va se perdre et on va aussi se perdre dans vos lectures de voyage. Parce qu'il y a toujours un moment où on veut tuer le temps. C'est les fameux habitants des heures d'aéroport quand il faut attendre un bagage. On lit des choses et vous, quand vous étiez au Pérou, et ben, vous lisiez ceci. Sur la consultation, c'est moi qui commande, nom de Dieu. Ici, on obéit. Une fois en bas, vous pouvez m'appeler arracheur de dents, fouille-gueule, tripoteur de langue ou tout ce qui vous passe par la tête, et vous pouvez même m'offrir un verre. Ceux qui attendaient leur tour faisaient des têtes d'enterrement, et ceux qui passaient par les pinces d'extraction n'étaient pas plus brillants. les seuls personnages à garder le sourire autour de la consultation étaient les Jivaros, qui observaient accroupis. Les Jivaros, des indigènes rejetés par leur propre peuple, le peuple des Chouars, qui les considéraient comme des êtres avilis et dégénérés par les habitudes des Apaches, autrement dit, les Blancs. Ah, elle est luxuriante, hein, la jungle péruvienne. C'est au son de cette jungle et de ses habitants que vous lisiez ces quelques lignes de Luis Sepúlveda. Exactement. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre vos lectures de voyage dans cette ambiance-là? Ah ben, je me dis que c'est bien. J'aurais pu m'enregistrer. En plus, j'avais un petit enregistreur. J'aurais pu le faire là-bas, en fait, en plein milieu des sons de la jungle. C'est vrai que c'est incroyable. Et même quand on entend un enregistrement, c'est pas encore ce qu'on entend vraiment là-bas. Parce que là, on est submergé, en fait. C'est vraiment comme si on était dans l'eau et qu'on entendait les vagues, etc. C'est vraiment... On ne survole pas, on passe pas à côté, on pénètre dans la jungle. Et cet ouvrage, alors, de Luis Sepúlveda, c'est ce que vous lisiez là-bas. Ça raconte quoi? Là, on a plus ou moins compris qu'on était chez un dentiste. Voilà. et qui parle des Indiens. Ils ont quelle image là-bas, ces Indiens? Quelle D'Amérique, image? Donc. Comment? D'Amérique, donc. Oui, d'Amérique. Mais c'est, en fait, ici, c'est un Chilien, l'auteur, donc c'est... C'est peut-être pas au Chili parce qu'il y a pas vraiment de jungle là-bas, mais ils ont cette image de tueurs d'hommes, hein, ces Indiens, et donc et de tueurs de tigres aussi. Ah oui. Et donc cette histoire, voilà, est autour d'un tigre qui rôde autour du village. Il y a des tigres en Amérique latine. Oui, il y a des tigres. Parce que moi, je les mettais plutôt en Inde, moi, les tigres. Oui, bah, y a des petits tigres. Je vous dis que j'ai vu des tigres au Pérou. Bon, ok, d'accord, très bien. Vous avez rendez-vous, on est à Lima, on est à 0 mètres d'altitude. À gauche, c'est le Pacifique, à droite, c'est le Pérou. Vous avez rendez-vous dans cette mégapole de 11 millions d'habitants avec une personne, c'est votre pote Alex qui vous accueille. Et alors là, c'est le choc entre vous, le bourlingueur avec la barbe et les cheveux hirsutes. Vous arrivez dans un quartier étonnant de Lima. Oui. J'arrive dans un quartier un peu protégé, un peu luxueux de Lima. Et je savais que mon pote ne vivait pas dans les bas quartiers, mais quand même, je suis assez choqué et j'ai du mal à croire ce que je vois et ce que j'entends. Mais en même temps, je suis très content de le voir. Et on fait la fête, et on mange bien, et on boit beaucoup. Il vous fait un super poulet épices frites, quand même. Oui, exactement. Pas mal. Enfin, il va juste l'acheter à côté. Vous allez avoir plein d'idées très très bien à Lima. Vous allez, par exemple, vous inscrire à un stage de danse contact. Et c'est là, peut-être, que votre vie va changer. Ce sera pour la suite de Globe Crocker, juste après Wristband de Paul Simon. Stage door to breathe some nicotine and maybe check my mailbox, see if I can read the screen. Then I heard a click, the stage door lock. I knew just what that meant. I'm gonna have to walk around the block if I wanna get in. A wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. Wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. I can't explain it, I don't know why my heart beats like a fist. When I meet some dude with an attitude saying, hey, you can't do that on this. And the man was large, a well-dressed 6'8". And he's acting like St. Peter standing guard at the pearly wristband, my man. You got to have a wristband. Hey, you don't have a wristband, you don't get through the door. And I said, wristband, don't need a wristband. My axe is on the bandstand. My band is on the floor. I mean, it's just spread into the heartland, towns that never get a wristband, kids that can't afford the cool brand, whose anger is a shorthand for you'll never get a wristband. And if you don't have a wristband, then you can't get through the door. No, you can't get through the door. No, you can't get through the door. Say you can't get through. Wristband de Paul Simon. Paul Simon qui sera en concert en Belgique à Forêt Nationale le 1er novembre prochain. On a le temps, hein. Nous on est au Pérou et on a le temps aussi. C'est la suite de Globe Crocker. Globe Crocker sur la première. En juillet chez Ego, jusqu'à 35% de remise sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, but. Vivez les demi-finales de l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Portugal, Pays de Galles, à suivre en direct ce mercredi sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Ce week-end, vous allez en Ardennes ? Oh, regarde là-bas ! Oh, il est beau le chevreuil ! Oh oui ! Ou bien dans un bon restaurant. Il est bon le chevreuil, hein? Oui. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Globe Crocker. Jusqu'à midi sur la première. Rudy Godin, vous êtes notre guide, et vous êtes un guide qui avait le temps. On est avec vous, on est enfin à Lima. Vous avez rencontré votre ami Alex, qui vous accueille dans son quartier un petit peu fort huppé, alors que vous, vous êtes un peu déguisé en druide voyageur. Et alors, vous avez envie un peu de découvrir la ville et ses différents habitants. Et du coup, vous dites, tiens, et si je m'inscrivais à un stage de danse contact ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un plan drague, ça ? Non, pas du tout. C'est un plan pour me distraire. Et en fait, c'est quelque chose que je voulais faire déjà en Belgique depuis longtemps. Et là, en promenant dans un parc, je vois qu'il y a une maison avec des activités artistiques. Et donc, je me suis inscrit. Voilà. Et le lendemain... Ça ressemble à quoi, la danse contact ? Salsa, c'est quoi ? Non, pas du tout. C'est de la danse qui va avec le feeling des personnes. On ne se parle pas et on n'est pas du tout obligé d'être en rythme. C'est juste que non, il faut suivre en fait les propositions corporelles des autres. Ça se danse à 2, 3, 4, 5, même 10 parfois. Et on essaye toujours d'être en contact. Ça peut D'où le nom. Voilà. Ça peut être avec un doigt, ça peut être avec tout le corps. Avec juste le front. Ah, c'est excellent. Oui. On dirait des exercices de mise en condition pour de l'improvisation ou des choses comme ça. C'est un petit peu étonnant, ça fait des formes particulières. Et évidemment, il y a un contact qui s'établit également avec une certaine Karel. Et oui. Qui est Karel ? Karel est donc la personne que j'ai rencontrée dans ce stage et qui est maintenant mon épouse. Ah oui, et c'est pour ça que ce voyage a changé votre vie, parce que vous y alliez au Pérou pour vous ressourcer, vous avez vu plein de choses, vous avez remonté l'Amazon, vous avez vu plein de villes, là on est toujours à Lima, vous dansez cette danse contact et vous rencontrez Karel, ce sera compliqué, hein. Votre histoire elle sera longue, très belle aussi. Elle sera longue, oui. Et alors c'est étonnant, vous dansez au Pérou sur du Zap Mama. Oui, alors j'entends du Zap Mama... Donc une musique qui vient de chez nous, hein. Et je suis vraiment étonné, et en plus ça me donne vraiment beaucoup d'inspiration, et donc j'ai beaucoup improvisé, et j'ai évidemment donné du meilleur de moi-même. Ouais, on imagine, hein, sur des mamas comme ça, c'est sympa, ça ondule. Vous êtes comédien, vous êtes artiste, vous êtes musicien et danseur de danse contact, et vous nous avez fait le plaisir de ramener une kyrielle d'objets du Pérou, des bouquins, des diapositives. On ne pourra rien en faire, vous le savez qu'on ne pourra rien en faire de vos diapositives, c'est de la radio ici, monsieur. Par contre, vous avez devant vous, et dans les mains maintenant, une flûte étonnante qu'on appelle le kena. Et alors, comme quoi vous n'êtes pas que guitariste, ça sonne un peu comme ça. On y est, hein. C'est joli. Merci. C'était le kena, c'est typiquement péruvien, ça, comme flûte ? Oui, c'est une flûte qui ne se joue pas avec la bouche directement dans le trou, mais un peu comme quand on souffle sur une bouteille pour la faire sonner quand elle est vide. Donc c'est le même principe que les flûtes de Pan. Et il y a 6 trous, voilà. Vous êtes très musicien, quoi. J'adore les instruments. Moi, dès qu'il y en a dans mes voyages, j'en prends. Même si je ne sais pas jouer, j'essaye chez moi et puis après, je m'en sers comme garniture de voyage. On l'a dit, ce voyage au Pérou que vous allez nous décrire sous toutes ses coutures. Hein. Le Pérou, vous allez le connaître niveau plage, niveau jungle, niveau montagne. A changé votre vie parce que, et je ne vous lâcherai pas sur l'histoire de Carrel, parce que c'est une très belle histoire qui mérite d'être racontée. Vous dites, à propos de la lenteur, et ça en dit long sur la qualité de la relation avec Carrel, à propos de la lenteur, ça vous a donné peut-être un petit peu trop confiance en vous et trop envie de vous perdre. Et donc, après votre stage de danse, vous décidez d'aller à la plage. Mauvaise idée. Oui, mauvaise idée. Parce que, surtout que j'étais... j'avais un sac avec beaucoup de choses dedans. Et j'ai attiré les regards des voleurs. Beaucoup de choses quand même, le passeport. Le passeport, un peu d'argent, un enregistreur, parce que je voulais enregistrer les sons de la mer. Donc je montrais des signes extérieurs de richesse, ce que je n'avais pas fait auparavant. Mais là, voilà, je me sentais tellement en confiance et en sécurité que j'ai fait cette erreur. Ouais, erreur, mais au départ ça part bien. Hein. Une plage sur le Pacifique, c'est plutôt joli. Ça ressemble à quoi les plages péruviennes du côté de Lima ? Bien, c'est très agité. D'ailleurs, on fait du surf là-bas, beaucoup. Hein. Donc, il y a beaucoup de grosses vagues. C'est pour ça que ça fait donc du son, et donc c'est intéressant. Et voilà, j'ai passé une partie de la journée là-bas, et je suis rentré au centre commercial qui était juste tout près la nuit. Et c'est là que je me suis fait coincer. Et donc vous vous faites piquer votre sac, plus rien, plus d'argent, plus de passeport. Et donc un fameux retard aussi avec votre rendez-vous avec Carrel qui vous attend pendant 2 heures. Oui. Ça augure plutôt de bonnes choses. Quand même, je ne m'y attendais pas. Mais voilà, et en plus ce qui était aussi assez incroyable, c'est que ce jour-là je m'étais rasé. Donc je ne ressemblais plus du tout à ce druide qu'elle avait connu dans un stage de danse contact. J'étais devenu 10 ans plus jeune. On est avec vous, Rudy Godin, au Pérou. Vous allez quitter Lima, parce que vous en avez un petit peu plein les bottes de ce quartier branché, chez qui vous êtes chaleureusement accueilli, mais chez Alex, hein, donc, mais vous voulez partir. Et donc vous allez partir à la montagne dans quelques instants. Dans Globe Crocker, on va comprendre ce que vous allez faire et comment vous allez nous expliquer que des cours de mime ont pu booster votre espagnol. C'est en donnant des cours de mime que votre espagnol est devenu super. Pourquoi vous partez de Lima ? Mais parce que voilà, j'en ai un peu assez. Je pense que si je me suis fait voler, c'est que je n'étais pas sur le bon chemin, donc j'ai décidé de changer de chemin là, d'un coup. Et grâce à Alex, vous allez partir pour la montagne. C'est bien parce que du coup, ça nous fait des contrastes. Nous, on quittera la plage de Lima et on montera très très très, très haut à Cajamarca. C'est comme ça qu'on dit ? Cajamarca, la Jota. Et c'est très très haut ça, évidemment, c'est 2800 ? Oui, 2800 mètres. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas, donc, avec des enfants ? Eh bien, je vais m'occuper, oui, d'enfants, une sorte de mission. Je vais donner des cours de mime, et des cours de français aux adultes aussi. Eh bien, on va découvrir les paysages très très montagneux, très accidentés de la zone dans laquelle vous allez passer quelques instants, jusqu'à ce que l'altitude vous rattrape. Ce sera juste après Bo Mambo, Ima Sumac. Hay un lamento que llega al corazón. bala y lamento de Coquemao. Oman es la danza para Guamar. Ay, lamento que llega el corazón. Oman con amor, con amor. Sumac Bomambo, c'est en 1956, ça n'a pas pris une ride. Et nous, eh ben, on est au Pérou encore pour quelques instants avec notre guide du jour, Rudy Godin. La première jusqu'à midi, Benjamin Leupart, Globe Crocker. Et on est dans la montagne andine, du côté de Cajamarca. Je n'arriverai jamais à le prononcer, donc voilà. Et vous êtes, Rudy Godin, en train de donner des cours, ou plutôt des animations à des enfants un peu laissés à eux-mêmes dans les montagnes, et vous leur donnez des initiations au mime. Oui. Et vous dites que c'est par le mime que votre espagnol a progressé énormément. Mais oui, mais il faut me croire. Et mais le mime, on ne parle pas. Mais on ne parle pas, non, c'est vrai, mais il y a quand même des explications. Il faut quand même donner... les consignes avant de faire l'exercice pour ne pas se faire mal ou pour ne pas faire n'importe quoi. Et donc, je dois m'exprimer avec des mots très simples face à des enfants qui, eux, s'expriment aussi avec des mots très simples. Et donc, je pense que c'est là que j'ai le mieux évolué, le plus évolué dans mon apprentissage de l'espagnol. Et c'est drôle parce que c'était avec un cours de mime. Mais j'ai vraiment adoré ce contact avec les enfants. Et en plus, ça s'est clôturé par un spectacle qu'on a présenté dans la cour devant les parents et devant d'autres gens. Donc c'était vraiment très bien. Et à quoi ressemble ce village ou cette ville de Cajamarca ? Ben voilà, j'ai des photos ici. Oui, mais c'est de la radio. Ah oui, pardon. Vous ne voyez rien ? Non, vraiment. Voilà, on voit ici par exemple un gros cochon avec des taches noires. Ben en fait, toutes les villes de montagne au Pérou sont un peu plus ou moins pareilles, on va dire. Hein. C'est quand même les Andes, hein, c'est la cordillère des Andes. Il y a souvent une place principale qu'on appelle la place d'armes. C'est d'ailleurs là que le fameux Atahualpa s'est fait assassiner par Monsieur Méchant Cortés. Hein, et donc c'est cette ville-là, c'est par cette ville-là que les Espagnols sont vraiment rentrés. Ouais, vous dites c'est la porte. Hein. La porte, oui, exactement. Et la porte par laquelle les Espagnols ont conquis la zone. Oui, tout à fait. Il y a toute une histoire avec... donc Atahualpa avait dit qu'il mettrait son pesant d'or et même sa hauteur en or dans une pièce. Et Cortés, qui est beaucoup plus intelligent au niveau militaire, on va dire, a réussi à se moquer de lui et il l'a contrecarré dans ses projets, et donc finalement, c'est lui qui a gagné, c'est Cortés qui a gagné, et finalement, voilà, les Incas ont perdu, et comme beaucoup de peuples, ceux-là, ben, ils se sont fait avoir, quoi. Ils se sont fait avoir. Vous êtes donc dans cette ville-porte historique de l'invasion espagnole au Pérou. Vous donnez ces initiations au mime. Faut dire que vous êtes comédien et artiste et multi-instrumentiste. Vous menez une vie plutôt plus sereine qu'à Lima, hein, la grande mégapole que vous avez quittée et qui est très très peuplée. Seulement, il y a un problème, c'est que c'est très haut et que vous réagissez mal à l'altitude. Oui, j'avais une infection à l'œil. et que j'ai chopé dans la jungle. Alors ça paraît anecdotique et très fort lié à votre histoire à vous, mais en fait non. Beaucoup de voyageurs qui se rendent au Pérou ont des problèmes avec l'altitude ou changent d'altitude beaucoup trop rapidement et ont des problèmes. Vous, ça se manifeste avec votre œil qui s'infecte. Exactement. Et vous avez beau être dans les montagnes, très très haut, vous êtes toujours connecté à Karel, qui elle est à Lima. Et voilà. Oui, on ne vous cache rien. Mais non. Et qu'est-ce qu'elle vous demande ? Ben elle me dit, mais reviens à Lima, il y a des bons médecins, il y a des bons hôpitaux et je vais m'occuper de toi. C'est bien ça, gentil. C'est très gentil. Et donc ? Et donc, j'ai un peu résisté et puis finalement, je suis revenu. Et voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que l'ophtalmologue qui me consultait était très gentil, mais il était très lent. Vous aussi. Oui, moi aussi, donc ça allait. Et je souffrais quand même, j'avais très très mal. C'était bien lié à l'altitude ? Mais il me semble, mais personne ne peut me l'assurer, donc voilà, c'est très difficile à dire, mais en tout cas, quand je suis revenu, ça a été un peu mieux. Karel vous sauve la vie quelque part en vous demandant de revenir, en tout cas vous prenez la bonne décision d'accepter de retourner vers Lima. C'est les grandes retrouvailles, la musique qui monte et c'est l'histoire d'amour qui reprend, mais aussi, pour le voyageur que vous êtes, vous découvrez Lima autrement. Ah oui, complètement. C'est vraiment... Là, je rentre dans des quartiers, dans des endroits que je n'aurais jamais découvert par moi-même. Et en plus des quartiers et des endroits artistiques, avec des gens qui sont dans l'architecture, ou dans le théâtre, ou dans la danse. Et donc, des endroits très chouettes, et je partage beaucoup de choses. Et je découvre aussi la gastronomie péruvienne qui est... Ça, c'est monumental. Hein. Fantastique. Mais il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a la mer, il y a l'océan, il y a la jungle, il y a la montagne. Donc, en gros, on peut tout faire au Pérou. Un exemple ? Ben oui, il y a le ceviche, hein, le fameux ceviche. Donc, c'est du poisson cru qui est donc cuit au citron vert avec du piment. Et d'ailleurs, j'ai ramené un peu de piment ici. Hein. Oui, ça ressemble à des grandes feuilles séchées. Oui. Et alors, c'est plutôt marron. C'est ça, oui. Ça donne beaucoup de couleur, en fait. C'est pas tellement piquant, ça donne beaucoup de goût et ça donne de la couleur. Ici, ben, moi, je les reprends séchés parce que comme ça, ben, je peux les garder longtemps et je les réhydrate chez moi et je fais la cuisine parce que j'aime beaucoup cuisiner. C'est le moment de la question bête, est-ce que ça pique ? Ça pique un peu, oui. Oui, hein. Bon, et ça colore également le plat. Ça colore surtout, oui. Alors, l'air de rien, on parle cuisine là, quelques instants, mais nous, c'est votre histoire d'amour hein, qui nous intéresse. Et c'est la raison pour laquelle on va se retrouver mardi prochain pour poursuivre cette conversation. Vous êtes à Lima, vous êtes le pro du suspense et votre histoire a plein de rebondissements. Vous allez devoir quitter le Pérou oui. Et rentrer en Belgique pour une bête question administrative. C'est un film, votre histoire avec Karel. Hein. C'est un peu ça, oui. Merci en tout cas Rudy Godin pour nous avoir emmené en bateau, mais pas pour de faux cette fois. Votre histoire a une suite, et quelle suite ? On repart au Pérou donc la semaine prochaine mardi pour savoir si vous, Rudy Godin, vous êtes aussi fort dans les retrouvailles que dans les adieux. Merci beaucoup d'être venu déjà aujourd'hui. Et merci à vous. Mais demain, on change de continent parce que c'est la règle dans Globe Crocker pour boucler notre tour du monde hebdomadaire. Dans un instant, quel temps fait-il sur notre petit bout de planète avec la météo ? Et puis ce sera le forum de midi. Belle journée sur la première. Ça se passe sur la première. La com est partout. Dans la pub, les médias, le web, les réseaux sociaux, la politique, l'économie, la culture. Pour en comprendre les véritables enjeux, chroniqueurs et invités décodent autour d'Alain Gerlache le rôle de la communication dans l'espace public. 10h, 11h, le dimanche. Les décodeurs RTBF sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. À retrouver également sur la Une Télé entre 11h25 et 13h. Prêt pour un marathon de soldes ? Chez Decathlon et sur decathlon.be, le sport est plus facile avec des soldes pour tous les sportifs. Decathlon, à fond la forme. La première et la deux présentent le 40e Bruxelles Folk and Jazz Festival. 14 groupes, plus de 100 artistes sur deux scènes et le Bruxelles Kids Festival. Avec musique, cirque et animation. Dans le cadre féerique du Théâtre de Verdure, près de l'Atomium, les samedis 9 et dimanche 10 juillet. Info, bruxelles.be. Avec la Libre. La météo. Bonne journée à tous. Le ciel reste bien chargé avec de faibles pluies ou bruines qui sont présentes sur le nord et qui s'aventurent un petit peu sur le centre du pays. Plus au sud, c'est un temps plus sec, mais de toute façon, ces bruines ne sont pas très conséquentes en termes de quantité. Côté température, on devra se contenter de 16 à 19, voire localement 20 degrés, avec un vent qui se renforce cet après-midi de secteur ouest. La nuit prochaine, retour au calme. Demain, des nuages, des éclaircies, mais a priori, un temps sec, 17 à 21 degrés. Jeudi et vendredi, on va enfin apprécier des éclaircies et des températures en hausse. 18 à 23 degrés pour jeudi et de 19 à 24 pour vendredi. La Chimay dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876.